sans toi, je suis un homme perdu et tout seul j'ai pas d'espoir. Crois-moi, ton amour m'a convaincu et m'a fait sortir des mondes noirs. J'oublierai jamais ton histoire, elle est vraie, tout le monde peut la croire. Cette belle, belle journée qui m'a montré enfin ma destinée. Ce moment, je n'ai même pas osé t'approcher, tellement que mon cœur s'y fort battait. Vraiment, tu m'as tué par ta beauté, mon cœur a failli. J'étais bouleversé et tu m'as regardé, ton amour dans mon cœur a percé. Bleibi kinti, ana insan daya, fi dunya ma andi aman. Tadabti, tashi ma kunt sama, kismat qalbi ghada hinhan. صبرتي قلبك كبرتي وبكيتي وربي وكلتي مو بصوتي نسيتي ضحكتي وضحكت لك الدنيا حتى انا امنيتي نشوفك فرحان ما نحملش نشوفك عمري تبكي بدهم بنا غير الرب نشكي عارفين تبغيني ونبغي كبار ومنك عارفيني نبغي على بيها نادو شطو Tu es par ta beauté, mon cœur a pas.